Salut, c'est Chila. Je vais vous interpréter Amanda pour Vevo Discover. Amanda se réveille, boit dans sa taille, s'étire. Elle aperçoit le soleil, prend son éveil pour se tirer. C'est montée de la veille, Amanda daigne enfin se dire qu'elle aurait dû prendre la peine d'être clean pour ce dîner. Se dit-elle, la belle est blasée, sa putain se blase, en blâme et par des bleus, les poumons blindés par des blondes. L'âme dans un bain de songe, la jeune femme se ronge, sa joie fan se ronge. Elle se laisse aller sa vie. Elle est lassée, passée de vie. Blessée par les épreuves, elle étincelle, se cache derrière une épave d'étrangeté. Se retrouve seule, s'embarque dans des soirées, entrave à la raison. Rayonnante le soir, le lendemain dans le noir, entre les mains un miroir dont le reflet anti-long. L'errance de l'espoir, l'indifférence de l'estime, la présence d'une histoire. Zazie Blue Jean, elle se laisse aller sa vie. Elle ne savait sûrement que dire. Que représentent ces idées dans ce monde inexpliqué? Trop de questions inachevées. Le pourquoi de l'imaginaire, son développement est miné. Une éloquence minable, une élégance amendable. Amanda se rend abordable. Je ne parle pas des traumas. Elle a vécu tant de dommages. Tu la croisais perchée dans le traumé. Mademoiselle perce sans trimer. T'es perdu Amanda sur la percu. Tu bouges, moralement c'est lamentable. Tu piaves pour t'ouvrir. Elle se laisse aller sa vie. Elle ne savait sûrement que dire. La belle est blasée, sa pitchine se blase, barrée par des beaux, attirée bêtement vers des beaux. Brasse de l'eau. La jeune rose se daube dans les bras de cette daube. Elle se laisse avoir dans l'espoir d'une histoire beaucoup trop bavarde, des produits, des pulvars. Un brin de prise, la jeune miss se hisse ivre, stigmatisée hors des bras de ce type. Hey. Hors des bras de ce type. Elle se laisse aller sa vie. Elle est lassée, assez de vivre. Amanda, Amanda, Amanda, Amanda.